Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. J'ai une call parce quelque chose qui est brisé. Je vais aller le réparer, that's all. Sure, je fais attention, je mets un masque, puis je lave mes mains quand j'arrive à la cliente, and that's all. Les choses n'ont pas arrêté de briser parce qu'il y a le COVID, you know. Il y a même plus de choses brisées parce que le monde il reste chez eux, puis ils usent plus. So, plus de job pour moi. Tout le monde connaît Smack the Handyman autour du site. So, il me donne une call quand ça brise. Il y a une chose qui est plate, however. Il y a du monde que j'ai pas pu voir depuis des mois. Like my folks, like the Madame Coudon, like le Pepeur. Ils ont peur red de la COVID. So ils restent chez eux, puis ils voient nobody. C'est triste pour eux autres. Puis pour moi aussi, of course. I like my folks, puis la Madame Coudon, puis le Pepeur. Sometimes, je me demande c'est quoi qui va arriver pour eux autres. Mais pour moi, tout va et one.